la foire aux ânes. Chaque année, c'est jour de fête. Oubliez tous vos problèmes. Bienvenue dans le village. C'est le jour de la foire aux ânes. Impossible de la manquer. On y vient planer, chiner. En milieu d'après-midi, juste après la sieste chérie, on ira, je t'en supplie, pour voir toute la compagnie. Plus tard, avant de rentrer, on s'arrêtera trinquer du côté de la buvette pour voir de la marquisette. Bienvenue dans le village, c'est le jour de la foire aux ânes. Chaque année, c'est jour de fête. Oubliez tous vos problèmes. Bienvenue dans le village, c'est le jour de la foire aux ânes. Impossible de la manquer, on y vient planer, chiner. Arc-en-ciel, il est très exactement 12h40. Et une, deux, trois, quatre, cinq, six pendules, il n'y a pas une qui est pareille, mais je crois que c'est la bonne. Eh bien, c'est dimanche, c'est l'accordéon de nos régions, et je vous souhaite un bon après-midi à notre écoute avec le soleil. Ils annoncent 17 mètres de neige pour dimanche prochain, de hauteur. Ça change vite le temps quand même. C'est l'automne et bientôt l'hiver. On a écouté la foire aux ânes, Dieu sait s'il y en a des ânes, avec Cyril Musique, et on continue avec notre ami Charles Cassonnet, en Beauce, c'est pas loin le Beauce. Accordéon Charles Cassonnet, sont des paroles de Jacqueline Sanchez. Des immenses champs remplis de blé se balancent doucement au vent léger. On pourrait voir au cœur de l'été des vagues d'or ondulées. Dans cette campagne si jolie, parfois quand arrive la nuit, après la chaleur et les se diffuse une odeur de pain grillé. En Beauce, j'ai rencontré toute ma vie des mains tendues, des amis. Quand tout allait de travers, cette amitié était là à mes côtés. Dans ce coin de la France très méconnu, mes bonheurs j'y ai vécu. C'est peut-être simplement pour tout cela, maman, je suis fidèle à toi. On y vient pour un petit moment, mais parmi cette Beauce qui nous étonne, on y reste alors bien plus longtemps. C'est le charme des Beaucerons, terre surprenante pour tous ceux qui voient au fil des journées ce pays sera qui nous rend heureux. Les Beaucerons savent si bien nous le compter. En Beauce, j'ai rencontré toute ma vie des mains tendues, des amis. Quand tout allait de travers, cette amitié était là à mes côtés. Dans ce coin de la France très méconnu, mes bonheurs j'y ai vécu. C'est peut-être simplement pour tout cela, maman, je suis fidèle à toi. Thank you. reste avec Charles Cassonnet sur des paroles de Jean-Désiré Bailly, musique de Charles Cassonnet. Voici Fleurs de mon pays. Quand on la voit passer avec son pas léger, arborant un sourire qui vous met en délire, au fond de ses yeux bleus, on voit le désir de l'amour et l'on se sent comme monter aux cieux. C'est un vrai rêve d'amour. L'accordéon de nos régions, cette fois-ci on va écouter si j'ose dire que ça va marcher, Cyril Musique, et ce sera la polka des patates. J'espère que vous savez ce que c'est qu'une patate. La polka des patates de la région, faut la danser hard comme des amours, en étant très joyeux le jour de l'assemblée, le soir à la veille, avec toute la. On épluche les patates pour faire la fromage. Bonjour par hasard du côté de Lucelmal en allant me. La polka des patates de la région, faut la danser hard comme des amours, en étant très joyeux le jour de l'assemblée, le soir à la veille, avec toute la table. On épluche les patates pour faire la fromage. Bonjour par hasard du côté de Lucelmal en allant me promener. Dans les bois, dans les prés, j'ai découvert un champ. C'est un champ de patates. De betteraves et tomates avec des cornichons, puis des potirons sur la pente d'aiguillon. Polka des patates de la région, la danse hard, me des amours en étant très joyeux. Le jour de l'assemblée, le soir à la veille, avec toute la table, on épluche les patates pour faire la fromage. Pommes de terre ou patates, pour bien les déguster, il faut les découper et les faire dorer avec des gros oignons. Ce sont de grosses patates, pour bien les récolter, faudra les buter. Les arroser au bourrin de Valence. Mmh. balancer à deux comme les amours en étant très joyeux. Jour de l'assemblée, le soir à la veillée, avec toute la tablée, on épluche les patates pour faire la fromagerie. Fais une bonne virée, un dimanche au mois de mai, c'est tout se retrouver pour encore en manger des patates de l'année. N'était en vacances après avoir bronzé, j'ai fait de la purée, la chiparmentier aux patates les deux rues. Volca les patates, des patates de la région, faut la danser à deux. Les amours en étant très joyeux. Jour de l'assemblée, le soir à la veillée, avec toute la table, on épluchait patate pour faire la fromagerie. Et comme chaque dimanche, on fait un point météo tout de suite, changement de temps. Actuellement, il y a 18 degrés à Orléans, sous abri. Pour demain lundi, temps couvert, sans pluie a priori, 14 le matin, 21 l'après-midi, ça remonte forcément le matin, le temps est couvert. Mardi, 15 le matin, 20 l'après-midi avec de la pluie. Temps couvert mercredi, 13 et 17. Ça va bientôt geler. Hein. Jeudi, 15 et 17, la pluie. Vendredi, 13 et 19 de la pluie. Samedi, de la pluie avec 13 et 18. Ah oui, ça change. Hein. Dimanche prochain, de la pluie avec 13 et 18. Lundi, de la pluie avec 12 et 19. 18. 15 et 20 pour mardi 1er. Temps couvert. Temps couvert pour mercredi de 15 et 21. Jeudi, 13 et 18, temps couvert. Vendredi, de la pluie avec 14 et 18. Samedi, 5 octobre. 9 degrés le matin, 17 l'après-midi, ainsi que dimanche 6 octobre, 9 le matin et 19 l'après-midi. Chacun sa chance, tout l'amour à partager, ça doit suffire pour être ensemble du bon côté. Le soleil doit briller pour tout le monde, chacun sur terre a droit d'être heureux. On voudrait bien même pour 10 secondes, que tout soit rose sous le ciel bleu. Le soleil doit briller pour tout le monde. Quand on y croit, c'est merveilleux. Tournons le mix sur la boule ronde. Promettons-nous de faire bien mieux. On soit de l'Est, au fond d'Afrique ou d'Australie, petit français, américain ou bien d'Asie, le même espoir chaque sur terre a droit d'être heureux. On voudrait bien même pour 10 secondes que tout soit rose sous le ciel bleu. Le soleil doit briller pour tout le monde. Quand on y croit, c'est merveilleux. Tournons 2000 sur la boule ronde. Promettons-nous de faire bien mieux. Le soleil doit briller pour tout le monde. Chacun sur terre a droit d'être heureux. On voudrait bien même pour 10 secondes que tout soit rose sous le ciel bleu. Le soleil doit briller pour tout le monde. Quand on y croit, c'est merveilleux. Pour l'an 2000 sur la boule ronde, promettons-nous de faire bien mieux. Pour l'an 2000 sur la boule ronde, promettons-nous. On écoute maintenant Charles Cassonnet à nouveau et ce sera la cabane de berger à Chantal. Voilà, la Chantal qui va nous interpréter Charles Cassonnet. Et ben voilà, j'avais une chance sur deux, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, donc c'est un autre. C'est notre ami. Ah, on vient déjà de l'écouter, décidément. C'est des musiques qui sautent d'un truc à l'autre. Alors, on va rectifier tout de suite le tir. Et ce sera Cyril Musique avec le temps des assemblées. Le le temps des assemblées, un instant pour danser avec la fille aimée, petit moment rêvé, le temps des assemblées, le même jour chaque année, dimanche et jour férié, près d'un grand champ de blé. C'est un bel après-midi, il est grand temps de partir, en soleil sous à vélo. N'oublions pas nos chapeaux. À peine arrivé, on danse, c'est toujours une grande ambiance, avec le rosé limé. On ne perdra pas la cadence. Le temps des assemblées, un instant pour danser avec la fille aimée, petit moment rêvé, le temps des assemblées, le même jour chaque année, dimanche et jour férié, près d'un grand champ de blé. la ferme du Clos. Y a bel berger qui gardait son troupeau. Sa cabane sur roue était près du champ, où les moutons broutaient paisiblement. Le berger plusieurs fois dans la journée poussait sa cabane pour la déplacer, pour un nouveau parc il changeait d'endroit. La limite était l'oreille du bois. Venez tous voir, c'est pas banal. Au milieu de la pelouche et Chantal, il y a une cabane de berger, comme celle d'antan dans les champs près d'Aigle. Dans ce village de la Beauce, il y a une question que tout le monde se pose. Qui est le berger qui lui a offert? On n'a toujours pas de réponse, c'est un mystère. Le berger s'arrête, c'est enfin le repos. Près de lui, son chien veille sur le troupeau. Dans la ferme, les anciens racontaient qu'il n'était pas souvent seul le berger, que dans le silence de la campagne endormie, une ombre se faufilait près de lui. Et tous les deux s'endormaient dans la paille, protégés par des milliers d'étoiles. Venez tous voir, c'est pas banal. Au milieu de la pelouche et Chantal, il y a une cabane de bergers, comme celle d'antan dans les champs près d'Aigle. Dans ce village de la Beauce, il y a une question que tout le monde se pose. Qui est le berger qui lui a offert? On n'a toujours pas de réponse, c'est un mystère. C'était la cabane de berger à Chantal, et c'était chanté, c'était Charles Cassonnet bien sûr, et c'était chanté par Jean-Marc, l'ancien chanteur à Jean-Désiré Bailly, un des anciens chanteurs. Il y avait deux chanteurs et une chanteuse célèbre. On écoute Les Amoureux d'Auvergne, et ce sera Robert Monadier. Robert Monadier... Pour eux de doux secrets, venez voir notre Auvergne, joli mois de mai. Dans les petits sentiers, cherchez sans vous lasser, et vous y trouverez encore l'amour passé. Écoutez la cabrette du berger, c'est son chant d'amour que jusqu'à Saint-Flour, devant scène de vallée en vallée. Écoutez bien, c'est le refrain des exilés. Thank you.

il y a tant de rires et tant de gaieté. Que ce beau pays, jamais on ne peut l'oublier. On entend chanter les muchachas à l'ombre du soleil dans les casas. Dans ce pays joyeux, la musique résonne au coin des rues, c'est la feria. Dans les nuits brûlantes sur la plaza, à la lueur des lampions sous les vivas, les hidalgos et les señoritas, l'un contre l'autre dans ces fiestas. Olé. Écoute maintenant, toujours par Charles Cassonnet, on écoute les Flonflons d'Auvergne, musique Jacqueline Sanchez, bien sûr, pour les paroles, musique de Charles Cassonnet et Roger Friot. Roger Friot nous a quittés voici 2-3 ans, je crois. Le temps passe tellement vite. Musique donc de Charles Cassonnet. Me promener entre les sentiers. Bien sûr, quand reviendront les mois d'hiver, les copains seront là pour dîner. Bien au chaud dans notre chaumière, tous autour de la cheminée, pour dévoiler tout comme la guerre. Les flonflons du bal musette nous offrent du bonheur cette nuit. Et on dire. Il y a dans le cœur des gens d'ici tant de bonté à l'état pur, tant de chaleur de gens aussi, qu'on tisse des liens pour toute la vie. Les flonflons du bal Musette nous offrent du bonheur cette nuit, et on est tous à la fête pour mettre de la joie dans nos vies. Un tendre baiser donné en plein cœur de nos verres jolies, et j'ai su que je resterai avec toi ici dans ton bon pays. C'était chanté par Anne-Marie, non pas celle de la source, Anne-Marie de Bourges, la chanteuse de l'orchestre Thierry Monico. Ça y est, ça commence à se coincer les gouttes d'eau. Labouré de chômeil, et c'est Robert Monnedière. Le pays où t'es né et où habitait Jean Séguerel, quand il était maire, et la première adjointe était Madame Monnedière. Toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Thank you. le printemps vient nous dire bonjour. Tous les amants lui sourient tour à tour. Toutes les fleurs embaument les jardins de leur parfum divin. Les cœurs joyeux au rythme de cette chanson battent sans cesse à l'unisson. L'amour gracieux règne sur tous nos cœurs heureux sous un ciel merveilleux. Au rythme de cette chanson, battent sans cesse à l'unisson. L'amour gracieux règne sur tous nos cœurs heureux, sous un ciel merveilleux. D'Auvergne, le joli pays de mes amours. À l'ombre des châtaigniers et des vergnes, je voudrais vivre toujours, toujours. Quand son troupeau regagne la vallée, pleine de soleil couchant, le pâtre joue sur sa flûte enchantée, des airs qu'il a composés dans les champs. Chante, chante ma musette, la chanson de mes plus beaux jours. Chante, chante ma musette, la chanson de mes plus beaux jours. Son troupeau regagne la vallée, pleine de soleil couchant. Le pâtre joue sur sa flûte enchantée, des airs qu'il a composés dans les champs. Chante, chante ma musette, c'est la chanson de mes plus beaux jours. Chante, chante ma musette, c'est la chanson de mes plus beaux jours. D'insouciance, de gaieté, de jeunesse, on les passait dans ce bal, dans la joie, l'allégresse. À chaque étoile filante, nous on faisait un vœu de revenir danser ce tango tous les deux. Pour toute la vie, nos destins tendrement se sont liés, mais trop vite nos belles années se sont envolées. Pourtant je sens encore quand je ferme les yeux sur ma joue la douceur légère de tes cheveux. Souviens-toi de ce tango qui nous a brûlé la peau. On avait juste 20 ans, nous deux on s'aimait tant. Souviens-toi de ce tango qu'on dansait sous les flambeaux. Mets tes pleurs dans tes yeux. n'oublierai jamais nos nuits folles et nos caresses, ni ce tango qui nous donnait l'impression d'ivresse, ni ce parfum troublant quand tu étais dans mes bras. Quand ton corps langoureux se pressait contre moi, chaque fois que j'entends la musique de ce tango, des frissons depuis toujours me parcourent la peau. Le jour se lève et nous trouvons encore enlacés. Mon amour, la vie est brève, viens vite m'embrasser. Souviens-toi de ce tango qui nous a brûlé la peau. On avait juste 20 ans, nous deux on s'aimait tant. Souviens-toi de ce tango qu'on dansait sous le flambeau. Mille reflets de l'enfeu mettent de l'or dans tes yeux. Ce tango pour toujours est celui de l'amour. La chasse en forêt de Gatine par C'est un musique. Jour de chasse pour notre bon prince près de son château. C'est dans la forêt aux grandes allées appelées Gatine. C'est le matin, les cavaliers sont rassemblés et tous les chiens ameutés. Tout l'équipage et le piqueux vont arriver au rendez-vous. C'est un jour de chasse pour notre bon prince près de son château. Dans la forêt, aux grandes allées, appelées Gatine. Tous arrivés au grand carrefour, dans la forêt, il faut sonner un lancer en direction de la vallée, et ce sera un bien aller. Pour notre bon prince près de son château. C'est dans la forêt aux grandes allées appelées Gatine. Pour notre bon prince près de son château. C'est dans la forêt aux grandes allées appelées Gatine. Toutes les dames sont parvenues dans la calèche, un cocher pour monter en Amazone, accompagner tous les badauds passionné. Et on écoute le dernier morceau de Charles Cassonnet sur ce CD. Charles Cassonnet, paroles de Jacqueline Sanchez, musique de Charles Cassonnet et Thierry Monico. Et là, je pense que vous allez reconnaître le morceau suivant. Maintenant, on va écouter Jean-Claude Laboucher, Le pays des mille sources. Le pays des mille ruisseaux, qui dans une joyeuse course dévalent les flancs du plateau. Et toutes ces jolies rivières, sur leur parcours chantent sans fin, la beauté de nos monédières et le charme du Limousin. Et loin du bruit des grandes villes, l'amour se cache un peu partout, au creux des vallons bien tranquilles, sous le chaud soleil du mois d'août. Avec ses sous-bois et ses mousses, ses bruyères et tous ses buissons, c'est le pays des mille sources qui valait bien une chanson. «

revient au village. Au vieux clocher s'annonce un nouveau bonheur. À la mairie, on célèbre un mariage. À la mairie, on enterre aussi mon cœur. Ma cantalienne, pourquoi ma voix fait tant de peine, de tant d'effroi? Ma cantalienne, tout est fini avec ma peine. On te marie. Ma cantalienne, tout est fini avec ma peine, on te marie. Et on va continuer, bien sûr. Un peu de silence, Jean-Claude Labouchet. Ton tour viendra. On va écouter Refrain dans les bois avec Georges Cantournet. On peut chanter dans les bois, c'est pas défendu. Elle ne dérange personne. En Hivernais, et c'est chanté ici par Pascal Michaud et son ensemble. C'est aussi interprété à l'accordéon, bien sûr. Composition de Roger Si. Pardon. Composition non pas de Roger Si, mais. Si, je dis bien Roger Si. Ouvre tes yeux, fais-leur plaisir. Ouvre ton cœur, tout à noisir. Respire bien les effluves si pures, des bois, des traces ou des grandes mouchures. Pour vivre sans nuées et bières, car tu es chez nous dans la mienne. Choisis bien ton allure pour admirer les beautés de la nature. Ouvre tes yeux, fais-leur plaisir. Ouvre ton cœur, tout à loisir. Musardé sur la route buissonnière, écoute bien cette langue première. Toute la bonne chair, sois un gourmet. Tu es en paix universelle. Choisis bien ton allure pour admirer les beautés de la nature. Ouvre tes yeux, fais-leur plaisir. Ouvre ton cœur, tout à loisir. Remarque bien son très riche folklore. C'est l'argent, sa faune et puis sa flore. Et l'ascension du monde vrai. À qui il est beau l'univers. Eh bien, on continue en accordéon, toujours. 13h50, les poussières. 13h52. Toujours en compagnie de Pascal Michaud. Petits oiseaux chantaient leur au bal, les jolies fleurs sentaient si bon. Sous le soleil chaud, brillait la cascade, on était bien sur le gazon. Elle est belle, la cascade, quand elle saute des rochers. Elle chante et qui s'évade. Près de ma chute, il faisait bon. et sur un coup de tête, dans une discussion, on s'est séparés pour de bon. Elle est belle la cascade, dans le sauté des rochers. Elle chante et puis s'évade, jusqu'en bas de la vallée. Autour de son escapade, elle emporte mon cœur brisé. Car c'est là avec la cascade, qu'un jour notre amour est né. Et depuis ce jour, le cœur déchiré, je reviens au lancer des mers. Et je crois revoir au pied des rochers le visage de ma bien-aimée. Elle est belle la cascade, quand elle souffle des rochers. Elle chante et puis s'évade, du bord de la vallée. Au bout de son escapade, elle emporte mon cœur brisé. Car c'est là avec la cascade, un jour notre amour est né. Et on continue, 13h passées de 55 minutes. On continue avec Jean-Claude Labouchet. Et il va nous interpréter, je pense que c'est la chanson fétiche de Radio Arc-en-Ciel, du samedi ou du dimanche, surtout le dimanche. Voici donc Jean-Claude Labouchet et la composition éternelle de Roger Si. Je crois que cette chanson lui a permis de vivre correctement, Roger. C'est l'étoile des monnaies, c'est l'étoile des troubadours. Parfois elle part dans un nuage, mais on attend son retour. Nous l'aimons dans le village, notre étoile des troubadours. Thank you.

s'enfuit le dur hiver. Là-bas au canton de Salers, le bâcher et son grand troupeau regagnent les hauts plateaux. Je suis le bâcher des montagnes qui va quitter sa campagne, retrouver son domicile, heureux dans son coin si tranquille. Chante, chante, bâcher, là-haut sur ta cime isolée. Quand l'hiver peintera son nez, tu reverras ton vent cocher. Ma voix que je lance à l'écho va rassembler le troupeau de mes vaches au roucolage, dispersées dans les packages. Je fabrique le bon fromage qui sent bien fort le thym frais, et jusqu'au lointain village le dégusteront les gourmets. Chante, chante, bâcher, là-haut sur ta cime isolée. Quand l'hiver peintera son nez, tu reverras ton grand clocher. Revenu l'automne embrumé, délaissant mon vieux buron, mon chien, mes vaches, mes compagnons, je retrouve l'éveillé. L'accordéon, la cabrette, avec tous mes vieux copains. Aujourd'hui c'est jour de fête, dansons jusqu'au petit matin. Chante, chante, bâcher, là-haut sur ta cime isolée. Quand l'hiver pointera son nez, tu reverras ton grand clocher. Chante, chante, bâcher, là-haut sur ta cime isolée. Quand l'hiver pointera son nez, tu reverras ton grand clocher. continue en accordéon de nos régions, 14h passées de 21 minutes. Silence. 14h passées de 21 minutes. Avant nos petites histoires du dimanche, on va écouter La Creuse en chanson avec Nadine Poulier et son orchestre, avec Maurice Parouti. Voici donc La Creuse en chanson. Mon pays, j'en suis fier avec son beau folklore, ses forêts, ses rivières et mille autres trésors. Trouvères et troubadours y ont chanté l'amour. Lorsque j'ai le cœur lourd, je le fais à mon tour. Tant que tournera la terre, valseront les saisons. Partout dans l'univers, je chanterai son nom. Sur ma vie tout entière, je mettrai son blason, l'amour en bandoulière et la Creuse en chanson. La terre où je suis né, je l'ai souvent quittée pour courir les chemins travaillés de mes mains. Compagnon du voyage, j'ai fait le baladin pour vivre bien mon âge en léguant ce refrain. Tant que tournera la terre, valseront les saisons. Partout dans l'univers, je chanterai son nom. Sur ma vie tout entière, je mettrai son blason, l'amour en bandoulière et la Creuse en chanson. Le pays de mes pères est inscrit dans mon cœur, au fond de mes prières, sous la jambe et la beurre. Il vit au fond de moi, j'y trouve à chaque fois les yeux d'une bergère et la table d'un roi. Tant que tournera la terre, valseront les saisons. Partout dans l'univers, je chanterai son nom. Sur ma vie tout entière, je mettrai son blason, l'amour en bandoulière et la Creuse en chanson. Eh bien voilà, il est l'heure. Eh oui, il est l'heure d'écouter nos petites histoires du dimanche, qui sont toujours très appréciées. Merci aux auditeurs et auditrices qui me le disent par téléphone. On va écouter aujourd'hui l'œuf. C'est parti, reste à toi, mon cousin. Un peu plus tard que l'autre jour, on en cause avec Berlodio. On parlait des voitures modernes. Il savait bien les voitures américaines. Le machin du salon, là, les stupes pas chers. Ah, bah, faut quand même les payer. Et le placard, le sublime, et puis tout ça. Mais ça passe dans nos communes des fous. Ah, mais des vrais fous. Qu'est-ce qu'il va être conduit ça aux champignons? 120, 130, Ils appellent ça visiter la province. Ah, mais c'est bien simple chez nous, c'est les 24 heures du Mans tous les jours. Ah, puis dans tous les sens, il n'y a pas à s'inquiéter. Ben, t'as le dimanche, on assoit le grand-père dans un fauteuil au bord de la route. On y dit, garde passer les voitures. Et le pauvre vieux, quand on le rentre 2 heures après, il peut plus manger sa soupe. Affolé. Ah, comme dit Berlodio, latéralement affolé. Et puis c'est dangereux, une voiture moderne. Ben pensez-vous, ouais, mais qui on n'a pas foutu là-dedans depuis 20 ans? Dans le salon de l'Otio. Il y a 20 ans, là, ils ont pas foutu la TSF. Un machin avec une antenne. Et vous nous voyez avec ça dans un tombereau. Et quoi de faire cobrer la jument? Il y a 5 ans, ils ont foutu le téléphone. Ça se trouve, cette année, ils vont y foutre les water. Qui sait qui va conduire? Ah ben non, mais où qu'on va? Eh ben, il y a le camion. Les machins américains aussi, là, les dudes. Ah, ben, pour voir un peu la vitesse, je vais, hein, dudes. Il y en a un, la semaine dernière, là, il s'est amené dans ma commune et, ping! D'une vache, il m'en a fait 2 vieux. Allez, tarté. Ah, marquez que nous, les humains, on le sait. Ah, ben, pensez bien que quand on va arriver des voitures modernes, on se bat. Ah, ben, ça, on se dégage. On reste pas bêtement sur la chaussée parce que nous autres, on le sait. Mais là, voilà. Là, c'est pas la volaille. Dame, allez donc, fais-toi prendre à ces petites poulettes qui les voitures avant plus vite que 14. Allez, allez. Ah, bon, rigole, mais je mourrais pas. Et pensez, avant, dans ma ferme, là, on avait 4 poulettes. 4 poulettes qu'on avait. Ah, puis des pondeuses. Quand je pense aux pondeuses qu'on avait. Une douzaine pour l'autre, dit à la jument. On travaillait pour l'ustucru. Et ben, l'autre jour, quitte on a retrouvé au bord de la route, un œuf étranger. Un machin qu'elle avait fait de frayeur. Sans coquille. Un œuf qui est arrivé quasiment avant terme. Et avec un jaune qui était pas. Et bon, rigole, mais avec qui veut un peu les poulettes, les œufs qu'on vous font cette année? Ah, ben, va avec ces poulettes. À vous font des œufs cassons. Qu'un. Ah, si, des œufs coques. Ah non, passe la 32. Ça 46 avec la TVA. Ah, mais moi, je me suis toujours demandé comment ces petites bêtes. Oh, je vois bien que vous me suivez. Ah ben c'est vrai, comment qu'elles peuvent vous faire des œufs comme ça? Par un petit bout de machin quelqu'un. Et en chantant. Et ben ça c'est de la volaille, hein, je veux. Une valse aux cendres, du ciel bleu, du soleil et d'amour. Tu caresses mon cœur d'ambre, sur la plage dans le petit jour. Nous rêvons et notre rêve se glisse au creux de nos doigts. Comme le fait sur la grève, le sable doré de notre joie. C'est la valse des Isambres, du ciel bleu, du soleil et d'amour. En dansant ce soir-là, tu m'avais dit tout bas, n'oublie pas que notre vie s'en va. Viens de même chercher, nous irons nous cacher, loin de tout dans le creux d'un rocher. Viens demain, tu verras, la mer nous chantera des chansons que tu ne connais pas. C'est notre dernier jour, mais peut-être l'amour saura le faire durer pour toujours. Une valse aux Isambres, du ciel bleu, du soleil et d'amour. Tu caresses mon cœur d'ambre, sur la plage dans le petit jour. Nous rêvons et notre rêve se glisse au creux de nos doigts. Comme le fait sur la grève, le sable doré de notre joie. C'est la valse des Isambres, du ciel bleu, du soleil et d'amour. ciel bleu sans soleil, sans amour. Et maintenant, un petit coup d'œil à nos amis de Radio Arc-en-Ciel qui ont créé Radio Arc-en-Ciel, nos amis portugais. Et c'est chanté, interprété par Manu Blanchet. De mon enfance, du petit village, moi j'y pense. Tout Portugal de ma jeunesse. Composition Jacqueline Sanchez, Yannick Puzo. Cœur de cristal, c'était tendresse. Mais aujourd'hui, dans un coin de France, moi j'ai construit mon existence. Tous mes amis sont dans mon cœur. Là-bas d'ici pour le meilleur. De mon village, où le matin les équipages prient en chantant montaient à bord sur leur bateau dans le petit port. Je regardais tous ces pêcheurs qui s'en allaient pendant des heures gagner leur pain loin sur la mer. Face au destin, le regard fier. Ma petite fleur des champs, Roger C. Et c'est interprété par Nadine Poulier et son orchestre, et Maurice Parouti. De ma part, pour ma petite fleur des champs de la source, Anne-Marie. Et c'est de la part d'Anne-Marie pour l'animateur, merci. Voici donc ma petite fleur des champs. Je m'appelle ma petite fleur des champs, elle est belle et elle a 20 ans. Tout au fond de son petit cœur, il y a de mon bonheur. Maintenant que je l'ai choisi, ma maison sera toujours fleurie. Elle sera pour toujours, pour la vie, mon amour, ma jolie petite fleur des champs. Elle est blonde châtain avec de grands yeux bleus. Il y a dans son teint des reflets savoureux. Elle m'aime, moi je l'aime, cela suffit. Si l'on doit être uni, je l'appelle ma petite fleur des champs. Elle est belle, elle a 20 ans. Tout au fond de son petit cœur, il y a de mon bonheur. Maintenant que je l'ai choisi, ma maison sera toujours fleurie. Elle sera pour toujours, pour la vie, mon amour, ma jolie petite fleur des champs. Elle n'avait que 16 ans quand je l'ai rencontrée. Et dans son cœur d'enfant, déjà j'étais entré. Aujourd'hui pour la vie, elle a dit oui. Alors plus de soucis, je l'appelle ma petite fleur des champs. Elle est belle, elle a 20 ans. Tout au fond de son petit cœur, il y a de mon bonheur. Maintenant que je l'ai choisi, ma maison sera toujours fleurie. Elle sera pour toujours, pour la vie, mon amour, ma jolie petite fleur des champs. Petit coco des montagnes, Manu Blanchet. instituteur, le mercredi suivant, arrive à la ferme, il y a mon gamin de Berlodio qui est en train de jouer aux billes, là. La surveille, il n'est pas là, ton papa? Ah non. Mon papa, il est pour là, ce matin. Et où il est? Il est parti mener la vache au taureau. Ah oui. Et il n'en a pour longtemps? Ah ben ça, ça dépend du taureau. Dépend comment il est luné, lui. Bon, bon, bah, ça fait rien, mon petit bonhomme. Tu peux rien pour attendre. Je reviendrai samedi. Oh, bah, si vous voulez, monsieur, si vous voulez. Le samedi suivant, le maître arrive. Le gamin qui est encore là en train de jouer aux billes. Dis-moi, il est encore pas là, ton père? Ah non, il est encore pas là ce matin. Et où il est? Il est parti mener la cheval au bouc. Oui, et si je te demande pour combien de temps il en a, tu me diras que ça dépend du bouc. Ah non, là, ça dépend de la cheval. Pas facile à tourner, j'en sais pas pour Henri. Oui, bah écoute, mon petit lapin, c'est pas la peine. De toute façon, tu perds rien pour attendre. Je reviendrai mercredi. Ben, si vous voulez, monsieur, moi, je veux bien. Et le mercredi suivant, le maître arrive encore une fois et le gamin est encore tout seul. Alors, si je comprends bien, ton papa n'est pas là. Ah non, non, non, oui, je sais, oui, la semaine dernière, samedi, il était parti mener la vache au taureau. Mercredi, il était parti mener la cheval au bouc. Et tu vas peut-être me dire qu'aujourd'hui, il est parti mener le cochon au verra. Ah non, monsieur, pas le cochon. La truie. Chez nous, il n'y a pas de ce que mon père il vous avait dit. Et toutes tes insolences, c'est pas la peine. Hein. Mais mon père, faut pas vous énerver. De toute façon, il est pas là. Il est pas parti mener la vache au taureau. Il est pas parti mener le cheval au bouc. Il est parti mener au mammouth. Le printemps, la nature est en fête, jusqu'au pied des volcans, naissent les violettes, la joyeuse hirondelle, volante à tire d'aile, tout chante et tout sourit, de l'Auvergne au Mont-Puy, j'aime l'air pur, le soleil et la vie, rien n'est plus beau que mon pays, les précis verts, les montagnes jolies, l'eau des ruisseaux, la truite file sans bruit, le vent portant les cloches des troupeaux, si loin, si haut, vers le hameau. Le pâtre joue un air sur le pipeau, que d'un roseau il a taillé de son couteau. Quand revient le printemps, la nature est en fête, jusqu'au pied des volcans, naissent des violettes, la joyeuse hirondelle, volante à tire d'aile, tout chante et tout sourit, de l'Auvergne au Mont-Puy. Et tous les yeux sont couleur de bonheur. Tu joues pour nous, ma bonne cabrette, chants et bourrées de notre vieux pays, que fredonnaient autrefois nos ancêtres, dans les hameaux blottis au pied des puits. Un air paire de cabrettes qui sent bon l'été. Vacante et fleurette, boisé au pré, c'est tout le pays qui en nous revit. Quand nous entendons ces jolies chansons, ohé, ohé, ohé, c'est pour bien aux rustiques cabrettes. Les airs joyeux nous réchauffent le cœur. Le ciel est bleu, la nature est en fête, et tous les yeux sont couleurs de bonheur. Tu joues pour nous, ma bonne cabrette, j'en ai bourré de notre vieux pays. Le fredonner autrefois nos ancêtres, dans les hameaux blottis au pied des puits. Arc-en-ciel, 14h passé de 49 minutes. On va bientôt se quitter. Je vous laisserai en compagnie d'RDP International jusqu'à demain matin. Et on se retrouve demain à partir de 14h. Cocktail coloré, succès de France. Un dernier Berlaudio pour aujourd'hui. Allô? Allô? Allô? Allô, c'est toi? C'est moi? Non, non, non, ne coupez pas, mademoiselle, non! Je suis quand même à l'Élysée, quoi! Oh, oh, oh! Allô? Hey, je téléphone de Châteauroux à l'Élysée, mademoiselle, ne coupez pas! Allô? Allô, t'es là? C'est moi! Hein? Oh, ben, Berlaudio! Gaston Berlaudio de Châteauroux! Hein? Oh, bah, tu vas pas dire que tu me reconnais pas, quand même. Ben, ton copain de promo. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, qui était plombier, c'est mon père, oui, oui. Oui, oui. Oui. C'est puis la suite, mon gars. Hein? Non, ben, je suis content de t'avoir. C'est pas facile pour t'avoir, t'as dit donc, tu vois, hein? Ça marche bien pour toi, hein? Oh, ben, ils vont pas me dire vous, dis donc. Oh, j'ai pas changé, hein? C'est aussi simple qu'avant, moi, hein? Oui, on chez un plombier, c'est pas facile à trouver. Ben, oui, mais quand même, hein, ça va. Ça va, ça va. Oui, oui, oui, oui, ben c'est ça. Ben, ah ben voilà, ben tu te rappelles de. Ben oui. Oh ben j'en cause avec ma femme, si tu penses, si je le connais, dis donc. Oh la promo, ça nous rappelle quand. Hein? Oh, on en foutait pas lourd, mais quand même, hein, t'as bien arrivé à ce que tu voulais, hein. Accrète-toi. Oh ben non, c'est mieux comme ça, là. On causait l'autre jour, là, comme tu passes à la télévision, là. Au coin du feu, dis donc, ça n'a pas l'air bien chauffé entre tout. T'avais pas l'air bien lié, toi. Hein? Oh, ben, je sais pas, c'est pas facile à manier, tout ça. Non, mais, alors, ma femme, elle me dit, tu, ben, si, ben, si, tu le connais, tu penses. Alors, elle me dit, ben, invite-le dedans, alors, comme je sais bien que tu vas toujours manger un peu à droite et à gauche. Oui. Eh ben, oui, j'ai dit, t'as qu'à venir à la maison. Ah non, mais faut pas gêner, tu sais, on est resté modeste, hein, faut pas... Tu viens un mercredi quand même, ça nous rangerait mieux quand même. Le mercredi, ça serait mieux, oui. Ah oui, pour toi, c'est pas... Oh ben, oh, oh, oh, faut pas t'inquiéter, hein, dis donc, on va te retaper, petit doigt, les yeux brouillés. Oh, oh, oh, oh. Y a pas que les yeux, tout est brouillé chez toi. Oui, t'as eu un coup de bord, bah ben, oh, il y en a d'autres, c'est pas vrai, oh, oh, oh. Ça se soigne aussi, ça... Oui. Non, mais tu viens quand tu veux, je te dis, mais un mercredi de préférence. Et alors, justement, avec ma femme, on le disait, si le mercredi prochain, ça tomberait bien. Oui. Bon, ben sûr, oui, oui. Oh non, t'amènes pas de fleurs, t'amènes la limone, ça suffit. Hein? Oui, puis, oh, ben ça, il y a un truc qui nous ferait plaisir, parce qu'elle l'a dit, ma femme, dis donc, l'accordéon, bon, je sais pas, il y a longtemps que t'en as pas joué, mais tu l'amènerais, comment être 4 ou 5, là, entre amis, hein? Mais si, amène-le dedans. Qui va y avoir? Oh, ben, tu les connais sûrement. Oh, si, tu les connais sûrement. Il y aura François, Georges, et puis la petite Arlette. Allô? Allô? Allô, Gigi? Ben, on dirait qu'il s'étouffe. Il ôtait son chapeau pour lui présenter hommage. Au fond du chapeau, c'était rigolo. Il y avait un petit zozio, un petit zozio joli, pas plus gros qu'une hirondelle. Un joli petit canari qui se déployait les ailes et chantait gaiement cui-cui pour charmer les demoiselles. Un petit cui-cui pour celles qui se montraient les plus belles. Ce monsieur bien étrange, pour plaire à ses conquêtes, avait une mésange cachée sous sa casquette. Quelle jolie sérénade quand il comptait fleurettes. Quelle merveilleuse aubade le soir à la guinguette. Hey! Faire leur bonheur. C'était un gentil monsieur qui avait beaucoup de charme. Il aimait faire les doux yeux quand il voyait une dame. Quand il ôtait son chapeau pour lui présenter hommage, au fond du chapeau c'était rigolo. Il y avait un petit zozio, un petit zozio joli, pas plus gros qu'une hirondelle. Un joli petit canari qui se déployait les ailes et chantait gaiement cui-cui pour charmer les demoiselles. Un petit cui-cui pour celles qui se montraient les plus belles. On va passer de 57 minutes, on va se quitter dans 3 minutes. Pas 2 minutes. Puisque c'est 14h58 maintenant. On se retrouve demain à 14h. Ah, les horaires différents, on peut se tromper. Hein. De 14h à 16h, demain lundi. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Et puis, à Rendez-vous donc 14h demain. Dans quelques instants, RDP International. Quero o Valentim, olero, olero. Quero o Valentim, olero, meu bem. Boa tarde, são 14h em Portugal Continental e na Madeira.